Chapitre 78e. Le pis-aller de Sa Majesté Louis XV. Le roi Louis XV n'était pas tellement débonnaire que l'on pût causer tous les jours politique avec lui. En effet, la politique l'ennuyait fort, et dans ses mauvais jours, il s'en tirait avec cet argument, auquel il n'y avait rien à répondre. « Bon, la machine durera bien toujours autant que moi. » Lorsque la circonstance était favorable, on en profitait. Mais il était rare que le monarque ne reprît pas son avantage qu'un moment de bonne humeur lui avait fait perdre. Madame du Barry connaissait si bien son roi que, comme les pêcheurs qui savent leur mer, elle ne s'embarquait jamais par le mauvais temps. Or, ce moment où le roi la venait voir à Lucienne était un des meilleurs instants possibles. Le roi a vu tour la veille. Il savait d'avance qu'on l'allait gronder. Il devait être de bonne prise ce jour-là. Toutefois, si confiant que soit le gibier qu'on attend à l'affût, il y a toujours chez lui un certain instinct dont il faut savoir se défier. Mais cet instinct est mis en défaut quand le chasseur sait s'y prendre. Voici comment s'y prit la comtesse à l'endroit des gibiers royaux qu'elle voulait amener dans ses panneaux. Elle était, comme nous croyons l'avoir déjà dit, dans un déshabillé fort galant, comme Boucher en met à ses bergères. Seulement elle n'aimait pas de rouge, le rouge était l'antipathie du roi Louis XV. Aussitôt qu'on eut annoncé Sa Majesté, la comtesse sauta sur son pot de rouge et commença de se frotter les joues avec acharnement. Le roi vit, de l'antichambre, à quelle occupation se livrait la comtesse. « Fi, dit-il en entrant, la méchante, elle se farde. »« Ah, bonjour, sire, » dit la comtesse sans se déranger de devant sa glace et sans s'interrompre de son opération. « Vous ne m'attendiez donc pas, comtesse ?» demanda le roi. « Pourquoi donc cela, sire ? Que vous salissiez ainsi votre figure ?»« Au contraire, sire, j'étais sûr que la journée ne se passerait point sans que j'eusse l'honneur de voir votre majesté. » « Ah, comme vous me dites cela, comtesse, vous trouvez ?»« Oui. Vous êtes sérieuse comme Monsieur Rousseau quand il écoute sa musique. »« C'est qu'en effet, sire, j'ai quelque chose de sérieux à dire à votre majesté. »« Ah, bon. Je vous vois venir, comtesse. Vraiment ?»« Oui, des reproches ?»« Moi, allons donc, sire. Et pourquoi, je vous prie ?»« Mais parce que je ne suis pas venu hier. »« Oh, sire, vous me rendrez cette justice, que je n'ai pas la prétention de confisquer votre majesté. » « Jeannette, tu te fâches ?»« Oh non pas, sire, je suis toute fâchée. »« Écoutez, comtesse, je vous assure que je n'ai pas cessé de songer à vous. »« Bon, et que cette soirée m'a semblé éternelle. »« Mais encore un coup, sire, je ne vous parle point de cela, ce me semble. »« Votre majesté passe ses soirées où lui plaît, cela ne regarde personne. »« En famille, madame, en famille. »« Sire, je ne m'en suis pas même informé. »« Pourquoi cela ?»« Dame, vous conviendrez, sire, que ce serait malséant de ma part. « Mais alors, s'écria le roi, si vous ne m'en voulez point de cela, de quoi m'en voulez-vous ? Car enfin, il s'agit d'être juste en ce monde. »« Je ne vous en veux pas, sire. »« Cependant, puisque vous êtes fâché, je suis fâché, oui, sire, quant à cela, c'est vrai. »« Mais de quoi ? D'être un pis-aller. »« Vous, grand Dieu ! » !»« Moi, oui, moi, la comtesse du Barry, la jolie Jeanne, la charmante Jeannette, la séduisante Jeanneton, comme dit votre majesté. Oui, je suis le pis-aller. » « Mais en quoi ?»« En ceci que j'ai mon roi quand Madame de Choiseul et Madame de Gramont n'en veulent plus. »« Oh, comtesse !»« Ma foi, tant pis. Je dis tout net les choses que j'ai sur le cœur, moi. »« Tenez, sire. On assure que Madame de Gramont vous a souvent guetté à l'entrée de votre chambre à coucher. »« Moi, je prends dans le contre-pied de la noble duchesse. Je guetterai à la sortie et le premier Choiseul ou la première Gramont qui me tombera sous la main. »« Tant pis, ma foi. »« Comtesse, comtesse ! Que voulez-vous ? Je suis une femme mal élevée, moi. Je suis la maîtresse de Blaise, la belle bourbonnaise, vous savez. Comtesse, les Choiseul se vengeront. Que m'importe, pourvu qu'ils se vengent de ma vengeance, on vous conspuera. Vous avez raison. Ah, j'ai un moyen merveilleux, et je vais le mettre à exécution. C'est ? Demanda le roi inquiet. C'est de m'en aller, purement et simplement. Le roi haussa les épaules. Ah, vous n'y croyez pas, sire. Ma foi, non. C'est que vous ne vous donnez pas la peine de raisonner. Vous me confondez avec d'autres. Comment cela ? Sans doute. Madame de Châteauroux voulait être déesse. Madame de Pompadour voulait être reine. Les autres voulaient être riches, puissantes, humilier les femmes de la cour du poids de leur faveur. Moi, je n'ai aucun de ces défauts. C'est vrai. Tandis que j'ai beaucoup de qualités. C'est encore vrai. Vous ne dites pas un mot de ce que vous pensez. Oh, comtesse ! Personne n'est plus convaincu que moi de ce que vous valez. Soit, mais écoutez. Ce que je vais vous dire ne peut pas nuire à votre conviction. Dites, d'abord, je suis riche et n'ai besoin de personne. Vous voulez me le faire regretter, comtesse. Ensuite, je n'ai pas le moindre orgueil pour tout ce qui flattait ces dames, le moindre désir pour ce qu'elles ambitionnaient. J'ai toujours voulu aimer mon amant avant toute chose. Mon amant fut-il mousquetaire, mon amant fut-il roi. Du jour où je n'aime plus, je ne tiens à rien. Espérons que vous tenez encore un peu à moi, comtesse. Je n'ai pas fini, sire. Continuez donc, madame. J'ai encore à dire à votre majesté que je suis jolie, que je suis jeune, que j'ai encore devant moi 10 années de beauté, que je serai non seulement la plus heureuse femme du monde, mais encore la plus honorée. Du jour où je ne serai plus la maîtresse de votre majesté. Vous souriez, sire. Je suis fâché de vous dire alors que c'est vous qui ne réfléchissez pas. Les autres favorites, mon cher roi, quand vous aviez assez d'elles, et que votre peuple en avait trop, vous les chassiez. Et vous vous faisiez bénir de votre peuple qui exécrait la disgraciée comme auparavant. Mais moi, je n'attendrai pas mon renvoi. Moi, je quitterai la place et je ferai savoir à tous que je l'ai quittée. Oh, comtesse, vous ne parlez pas sérieusement, dit le roi. Regardez-moi, sire, et voyez si je suis ou non sérieuse. Jamais de ma vie, je vous le jure. Au contraire, je ne parlais plus sérieusement. Vous ferez cette mesquinerie, Jeanne ? Mais savez-vous que vous me mettez le marché à la main, madame la comtesse ? Non, sire, car vous mettre le marché à la main, ce serait vous dire simplement « Choisissez entre ceci et cela, tandis que je vous dis adieu, sire, et voilà tout. » Le roi pâlit, mais cette fois de colère. « Si vous vous oubliez ainsi, madame, prenez garde. » « À quoi, sire ? Je vous enverrai à la Bastille. » « Moi ? » ?»« Oui, vous. Et à la Bastille, on s'ennuie plus encore qu'au couvent. » « Oui, sire. » dit la comtesse en joignant les mains. « Si vous me faisiez cette grâce, quelle grâce, de m'envoyer à la Bastille, hein, vous me combleriez. Comment cela ? » ?»« Eh oui, mon ambition cachée d'être populaire comme monsieur de la Chalotée ou de monsieur de Voltaire. La Bastille me manque pour cela. Un peu de Bastille, et je suis la plus heureuse des femmes. Ce sera une occasion pour moi d'écrire des mémoires sur moi, sur vos ministres, sur vos filles, sur vous-même. » Et de transmettre ainsi toutes les vertus de Louis le Bien-Aimé à la postérité la plus reculée. Fournissez la lettre de cachet, sire. Tenez, moi je fournis la plume et l'encre. Il poussa vers le roi une plume et un encrier qui se trouvaient sur le guéridon. Le roi, ainsi bravé, réfléchit un moment et se levant. C'est bien. Adieu, madame, dit-il. Mes chevaux ! S'écria la comtesse. Adieu, sire. Le roi fit un pas vers la porte. Chon ! Dit la comtesse. Chon parut. « Mes mâles, mon service de voyage et la poste. Allons, allons » dit-elle. « La poste ?» fit Chon atterré. « Qu'a-t-il donc, mon Dieu ? Il y a, ma chère, que si nous ne partons au plus vite, sa majesté va nous envoyer à la Bastille. Il n'y a donc pas de temps à perdre. Dépêche, Chon, dépêche !» Ce reproche frappa Louis XV au cœur. Il revint à la comtesse et lui prit la main. « Pardon, comtesse, de ma vivacité » dit-il. « En vérité, sire, je suis étonné que vous ne m'ayez pas aussi menacé de la potence. » « Oh, comtesse, sans doute. Est-ce qu'on ne prend pas les voleurs ? Eh bien, est-ce que je ne vole pas la place de madame de Gramont ? Comtesse ! Dame, c'est mon crime, sire. Écoutez, comtesse, soyez juste, vous m'avez exaspéré. Et maintenant ? » Le roi lui tendit les mains. « Nous savions tort, tous deux. Maintenant, pardonnons-nous mutuellement. »« Est-ce sérieusement que vous demandez une réconciliation, sire, sur ma foi ? Va-t'en, Chon. »« Sans rien commander ?» demanda la jeune femme à sa sœur. « Au contraire, commande tout ce que j'ai dit, comtesse. Mais qu'on attend de nouveaux ordres. » « Ah !» Chon sortit. « Vous me voulez donc ?» dit la comtesse au roi. « Par-dessus tout, réfléchissez à ce que vous dites là, sire. » Le roi réfléchit en effet, mais il ne pouvait reculer. Et d'ailleurs, il voulait voir jusqu'où iraient les exigences du vainqueur. « Parlez !» dit-il. « Tout à l'heure. » Faites-y attention, sire, je partais sans rien demander. Je l'ai bien vu. Mais si je reste, je demanderai quelque chose. Quoi ? Il s'agit de savoir quoi, voilà tout. Ah, vous le savez bien. Non, si fait, puisque vous faites la grimace. Le renvoi de monsieur le Choiseul ? Précisément. Impossible, comtesse. Mes chevaux, alors ? Mais, mauvaise tête ! Signez ma lettre de cachet pour la Bastille ou la lettre qui congédie le ministre. Il y a un milieu, dit le roi. Merci de votre clémence, sire. Je partirai sans être inquiété à ce qu'il paraît. Comtesse, vous êtes femme, heureusement. et mon raisonner politique en véritable femme mutine et colère. Je n'ai pas de raison pour congédier monsieur de Choiseul. Je comprends. L'idole de vos parlements, celui qui les soutient dans leur révolte. Enfin, il faut un prétexte. Le prétexte est la raison du faible. Comtesse, c'est un honnête homme que monsieur de Choiseul, et les honnêtes gens sont rares. C'est un honnête homme qui vous vend en robe noire, lesquelles vous mangent tout l'or de votre royaume. Pas d'exagération, comtesse. La moitié alors. Mon Dieu, s'écria Louis XV dépité. Mais au fait, s'écria de son côté la comtesse, je suis bien sotte. Que m'importe à moi les parlements, les Choiseul, son gouvernement, que m'importe le roi même à moi, son pis-aller, encore. Toujours, sire. Voyons, comtesse, 2 heures de réflexion. 10 minutes, sire. Je passe dans ma chambre, laissez-moi votre réponse sous la porte. Le papier est là, la plume est là, l'encrier est là. Si dans 10 minutes vous n'avez pas répondu ou n'avez pas répondu à ma guise. Adieu, sire. Ne songez plus à moi, je serai parti. Sinon, tournez la bobinette et la chevillette, cher rat. Louis XV, pour se donner une contenance, baisa la main de la comtesse qui, en se retirant, lui lança, comme le part, son sourire le plus provoquant. Le roi ne s'opposa aucunement à cette retraite, et la comtesse s'enferma dans la chambre voisine. 5 minutes après, un papier plié carrément frôla le bourrelet de soie de la porte et la laine du tapis. La comtesse lut avidement le contenu du billet, écrivit à la hâte quelques mots à M. de Richelieu, qui se promenait dans la petite cour, sous un auvent, avec grande frayeur d'être vu, faisant ainsi le pied de grue. Le maréchal déplia le papier, lut, et prenant sa course malgré ses 75 ans, il arriva dans la grande cour à son carrosse. « Cocher, dit-il, à Versailles, ventre à terre. » Voici ce que contenait le papier jeté par la fenêtre à M. de Richelieu. « J'ai secoué l'arbre, le portefeuille est tombé.